Chapitre 8. L'indestructible, tel était le surnom d'un chevalier, compagnon de Perceval, qui passait pour un géant quasi immortel. On ne connaissait pas Maniel à cette époque et dans ce monde-là. Merwyn Ryl Avalon. Il n'y eut pas d'autre incident, même s'ils furent l'objet de l'attention générale tant qu'ils restèrent à table. Le loup s'était couché près de la chaise de Camille, ménageant ainsi un espace confortable autour d'elle. Il ne daigna plus jeter un seul coup d'œil sur les humains qui l'entouraient. Camille faillit parler de l'homme en noir, mais se ravisa. La ressemblance qui lui avait sauté aux yeux lui paraissait beaucoup moins évidente. Il était ridicule d'alarmer ses compagnons pour rien. Ils eurent la mauvaise surprise de découvrir, en sortant, que le temps s'était couvert. Des nuages menaçants s'amoncelaient dans un ciel qui s'assombrissait de minute en minute. Une bise désagréable s'était levée. Ils chevauchaient depuis moins d'une demi-heure lorsque les premières gouttes s'écrasèrent autour d'eux, avant-garde d'une pluie fine qui noya le paysage sous un rideau gris et froid. Il plut tout le reste de la journée. Camille avait remonté la capuche de sa cape, ne laissant dépasser que le bout de son nez, mais elle frissonnait, glacée par l'humidité qui s'infiltrait dans ses vêtements. Son champ de vision était limité à quelques mètres, aussi ne se rendit-elle compte qu'ils étaient arrivés à Alchen qu'une fois les remparts extérieurs franchis. La ville était immense, avec de grandes avenues et des constructions rappelant celles d'Aljet, en moins impressionnantes. Les rares passants qu'ils croisèrent se hâtaient vers un abri. La pluie s'était transformée en une forte averse, qui semblait ne jamais vouloir cesser. Demeurer à l'extérieur devenait une idée assez stupide. Bjorn les guida vers une auberge qu'ils connaissaient dans un quartier tranquille. Quand ils y parvinrent, ils étaient aussi trempés que s'ils étaient tombés à l'eau. Ils poussèrent un soupir de soulagement lorsqu'un jeune garçon leur ouvrit les portes de l'écurie, leur permettant enfin de s'abriter. Une fois les chevaux séchés et étriés, ils enfilèrent des vêtements secs et entrèrent dans l'auberge. Il y avait peu de clients, et la patronne, une femme imposante aux cheveux d'un roux flamboyant, les accueillit chaleureusement. Puis ses yeux tombèrent sur le loup. « Qu'est-ce que cet animal ? » demanda-t-elle. « Un chien, bel enfant !» répondit Bjorn en souriant d'un air avenant. « Un chien bien élevé qui ne causera pas le moindre problème. Et moi, je suis un tzlich !» rétorqua la femme. « Pas question de recevoir ce monstre dans mon auberge !» Elana se pencha à l'oreille de Camille. « Le charme n'opère pas, notre ami doit être rouillé !» La boutade tomba à plat. Camille ne se sentait pas le courage de repartir sous la pluie. D'autant qu'un feu réconfortant crépitait dans la cheminée et qu'une bonne odeur de ragoût flottait dans l'air. Pourtant, si Salim ne pouvait pas rester... Maître Douhomme s'avança alors. « Nous pouvons peut-être nous arranger, » commença-t-il. « Je paie pour le... chien, comme pour un de mes compagnons. Il demeure près de nous et s'il commet la moindre bêtise, je m'engage à vous rembourser sans discuter. » L'argument sembla intéresser la tenancière davantage que les sourires de Bjorn. Elle prit le temps de réfléchir, puis se décida. « D'accord, mais uniquement dans la salle commune. Pas question que cet animal entre dans une de mes chambres. Il devra se contenter de l'écurie. » Maître Douhomme jeta un coup d'œil à Camille, qui acquiesça en silence. « Très bien, » déclara-t-il. « Marché conclu. » Après le repas, ils se prélassèrent un moment près du feu, en préparant la suite de leur voyage. Tard dans la soirée, la conversation bascula sur Eleharil Morienval. Les avis divergeaient à son sujet. Edwin pensait qu'on n'entendrait plus parler d'elle, alors que Maître Douhomme la considérait encore comme dangereuse. « Sa fuite ne plaide pas pour elle, » expliqua-t-il. « Mais si Altan et Elysia ne réapparaissent pas, elle peut tout à fait retrouver sa place au sein de l'Empire. » On ne peut rien lui reprocher de plus qu'aux autres sentinelles. Elle s'est débrouillée pour que Holtzkillmyrt porte l'entière responsabilité de la tentative d'assassinat de Camille. Si son plan avait fonctionné, elle l'aurait sacrifié à la fureur d'Edwin ou à celle possible de l'empereur. Elle a tout à gagner à faire disparaître la petite. Nous n'en avons pas fini avec elle. Camille partageait le point de vue de l'analyste. Toutefois, elle n'avança pas d'argument. Eléharil Morienval faisait planer sur son avenir une ombre dont elle se serait volontiers passée. Elle sentait que tôt ou tard, Il lui faudrait l'affronter, mais refusait de s'en inquiéter prématurément. Le premier, Mathieu s'étira. « Je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai dormi dans un lit !» s'exclama-t-il. « Je compte profiter du confort que nous offre cette merveilleuse auberge. Bonne nuit, les amis !» Après un clin d'œil adressé à sa sœur, il se retira. Les autres le suivirent un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Camille, Edwin et Elana. « Je dors dans l'écurie pour surveiller le loup, » annonça Camille. « Je vais avec toi, » répondit la marchombre du tac au tac. « C'est gentil, mais il est inutile que nous soyons deux. Tu es sûre ? Certaine. Je renonce volontiers à mon lit, » proposa Edwin. « J'ai tellement l'habitude de dormir par terre qu'une fois de plus, une fois de moins. » « Je te remercie, » affirma Camille. « Ce ne sera pas nécessaire. » Comme pour montrer sa résolution, elle se leva. Le loup qui sommeillait depuis une heure devant la cheminée ouvrit un œil, s'étira, puis se glissa à ses côtés. « Allez, viens, gros bêta !» lui lança-t-elle. « Je te promets que lorsque tu auras retrouvé ton apparence, tu me paieras ça !» Il faisait plus frais dans l'écurie que dans la pièce commune. Cependant, quand elle se fut nichée dans la paille, le loup la réchauffant de sa masse, elle se sentit presque aussi bien que dans un lit. « Bonne nuit, mon vieux !» chuchota-t-elle. J'espère que ce n'est pas pour dormir avec moi que tu fais tout ce cinéma, parce que sinon... » Cette menace voilée lui tira un sourire. Le cœur serein, elle ne tarda pas à s'endormir. Bien plus tard, elle ouvrit les yeux. La nuit était parfaitement calme. La pluie avait cessé. Seule la respiration des chevaux troublait le silence. Un frisson la parcourut. Elle comprit que le froid l'avait réveillée. Elle tendit le bras, toucha la paille autour d'elle. Le loup avait disparu.